إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue donc notre cours sur le livre, les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan du livre Iqtida Sirat Al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab Al-Jahim, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Et donc on est arrivé aujourd'hui au cours 98. Donc on continue les explications que le Cheikh mentionne, Cheikh Al-Islam. Il dit ensuite, il dit donc وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويل والسراويلات والقوا الركب وانزوا نزوا عليكم بالمعدية عليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذاروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد ابن عدنان، وهم العرب، والمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne maintenant des exemples des paroles de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu au sujet de l'interdiction d'imiter les mushrikines et d'imiter les kuffars de façon générale. Et il mentionne qu'est-ce qui a été rapporté selon Omar ibn al-Khattab dans le sahih de l'imam al-Bukhari, qu'il a envoyé une lettre à ceux qui étaient établi dans les pays de la Perse, et il leur a dit: prenez garde de ne pas adopter les vêtements et les habits des gens du shirk, hein. Et ça, c'est une interdiction pour les musulmans, yani, de tout ce qui a rapport avec les modes des mouchriquines et les habits des mouchriquines, hein, les façons de vivre des mouchriquines. Il dit également qu'il est rapporté selon l'imam Ahmed, que l'imam Ahmed a rapporté, et il cite la chaîne de transmission jusqu'à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qu'il a dit aux musulmans de porter l'izar, de porter les sandales, de porter les khifaf, c'est-à-dire les chaussons en cuir, ou bien le khifaf, c'est al-khuf, les chaussons en cuir, les serwal également, les pantalons qui sont le genre de pantalons qu'on appelle serwal, ceux qui sont très amples, et ul-kurrukab, wanzu nazwan. Donc il y a certains des termes, on va les expliquer dans l'explication quand on va faire le sharh, ou bien sinon même on peut le mentionner tout de suite. C'est-à-dire le sheikh, il est dans cette parole de Omar, il y a des consignes qu'il envoie donc aux musulmans qui vivent dans les régions où les musulmans se sont installés, et c'est les endroits où les gens n'étaient pas musulmans, et donc l'islam commence à s'installer dans ces endroits-là. Il les avertit de ne pas adopter les manières des mouchriquines et des kuffars de ces régions-là, et de continuer à préserver les modes d'habillement des musulmans, de ne pas se laisser influencer par les cultures des kuffars et des mouchriquines. Et donc il mentionne certaines choses comme les vêtements, la façon de s'habiller, de ne pas porter des vêtements des mouchriquines et des kuffars, de ne pas porter la soie, et ainsi de suite. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter la soie, et il a mentionné excepté la quantité qui est égale à une bande qui est égale à la distance de deux doigts. Donc ça veut dire que s'il y a de la soie dans un vêtement, si c'est pas plus large que la deux doigts de distance, dans ce cas-là, ça c'est permis. Mais si c'est plus que ça, dans ce cas-là, c'est pas permis. Puis il a mentionné aussi une autre parole lorsqu'il a écrit une lettre aux gens qui étaient à Azerbaïdjan. Il leur a dit de pas porter les vêtements des gens du shirk, et de pas porter des vêtements de soie, et de faire attention à ne pas imiter les façons d'être des mouchriquins. Et il a répété, excepté pour la soie, encore une fois, il a mentionné les deux doigts, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné. Et ça, c'est rapporté de façon authentique, selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Il mentionne, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne également que dans sa parole, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il ordonnait aux musulmans de porter al-Ma'adiyya, et il explique que al-Ma'adiyya, c'était les vêtements de Ma'ad ibn Adnan, c'est-à-dire les vêtements des Arabes, hein. Et il ordonnait de, ou plutôt il interdisait de porter les vêtements des mouchriquins. Donc, il dit que ça, c'est des choses qui sont générales, qui sont connues, hein. Tout le monde connaît ces règles. On va lire l'explication maintenant. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a donné comme clarification à ce sujet? Donc, le Cheikh, il dit, Hafizahullah Ta'ala, il dit, « Qawluhu inna Umar kataba ila al-muslimin al-muqimina bi biladi Faris » إياكم وزي أهل الشرك يعني إن كل ما كان من زي المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بهم فإن على المسلمين أن يجتنبوه لأن المسلمين إذا لبسوا مثل لبسهم فإن هذا يعد من التشبه المنهي عنه. وكلام عمر هذا يعتبر قاعدة في مخالفة الكفار. وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه وضع لأهل الذمة زيا خاصا يميزهم عن المسلمين. Donc le cheikh il explique que Omar il avait ordonné aux musulmans qui étaient en Perse, hein, les régions de l'Iran aujourd'hui puis de ces régions là, il leur avait ordonné donc de ne pas s'habiller comme les gens du shirk. Et c'est-à-dire que tout ce qui a rapport avec les habits des mouchriquins, leur façon de s'habiller, leur façon d'être, qui leur est particulière, les musulmans sont ordonnés de s'en écarter. Et les musulmans, si, il dit le cheikh que si les musulmans portent les mêmes vêtements qu'eux, eh bien ça sera compté comme faisant partie de la ressemblance au mouchriquine qui est interdite. Et la parole de Omar, c'est une règle dans l'ordre de contredire et de se distinguer des kuffars. Et on a déjà expliqué que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a établi pour les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans de s'habiller d'une façon particulière qui les distingue des musulmans. D'accord? Donc, on a lu ça déjà dans les cours précédents. Le cheikh il dit قوله اتزروا وارتدوا يعني البسوا الإزار والرداء لأن هذا من زي المسلمين وهو ما يسمى بالحلة فالحلة تتكون من إزار ورداء وكان هذا لباس المسلمين وقد لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام وغيره وفي غيره. Donc premièrement, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il ordonne aux musulmans de porter parmi les vêtements qu'ils doivent porter, il dit aux musulmans de porter al-izar wa al-rida. Et ça fait partie des vêtements des musulmans. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-hulla. Al-hulla qui est composé de deux parties. Composé du izar et du rida. D'accord? Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait durant les haram quand il faisait le hajj et dans d'autres occasions également. Et al-rida, c'est le vêtement qu'on met sur les épaules. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le rida, c'est le vêtement qu'on met sur les épaules, hein. Et al-izar, c'est le vêtement avec lequel on entoure le bas du corps. La taille et jusqu'au genou et ainsi de suite. Donc ça c'est al-izar. Et le cheikh il dit وقوله وانتعلوا وهذا أمر إرشاد للمسلمين أن يلبسوا النعال والانتعال فيه فوائد حيث أنه يحفظ القدمين من أن يصيبها أذى ولا يترك الانتعال تعبدا وإن كان يستحب للمسلم أن يمشي حافيا أحيانا يعني لا ينتعل دائما وإنما يعني يحفي أو يعني يحفى أحيانا إذا لم يكن هناك ضرر في مشيه حافيا فإن في ذلك فائدة صحية فائدة صحية وفيه تعويد على حياة التخشن وترك حياة التنعم. Donc le cheikh il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon ici c'est l'exemple de ce que Omar a dit, mais bien entendu on a des exemples de ça dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, mais ici il mentionne que Omar il ordonne donc de porter al-ni'al. Al-ni'al, c'est les sandales. Et il dit, ça c'est un ordre, hein, un ordre de la part de Omar pour orienter les musulmans à porter des sandales. Et il dit que dans le fait de porter des sandales, il y a de grands bienfaits, puisque ça préserve et ça protège les pieds d'être touchés par des blessures ou des choses qui peuvent faire du mal aux pieds. Et le fait de délaisser, le fait de porter des sandales par adoration, hein, on ne doit pas le faire. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, moi, je vais cesser de porter des sandales pour, comme moyen de me rapprocher d'Allah. Le cheikh dit ça, c'est pas correct. Toutefois, il est recommandé pour le musulman de marcher de temps en temps pieds nus. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé aux musulmans de marcher pieds nus parfois. Pas tout le temps. Hein, et de pas non plus porter les sandales tout le temps. Donc, parfois, de marcher nu-pieds. C'est bon pour les pieds. Et le cheikh, il dit que à moins qu'il y ait un mal hein, par terre où il y a des choses dangereuses par terre qui peut blesser les pieds, mais sinon c'est bon de temps en temps de marcher nu-pieds. Il y a des bienfaits médicaux même à ça. Et aussi il y a une chose qui est bonne dans ça, c'est le fait qu'on s'habitue aussi à la vie dure, hayat al-takhashun, on dit al-takhashun, et non pas à la vie toujours dans ce qui est l'aisance et le luxe et le confort, hein, de trop de confort. Donc le musulman, il doit s'habituer de temps en temps à un petit peu de rudesse dans sa vie. Et par exemple, le fait de marcher parfois nu-pied, ça aide à ça. Aussi, même par exemple, il a dit de ne pas tout le temps peigner la barbe. Hein, de le laisser parfois, de la laisser parfois et de pas tout le temps la peigner. C'est quoi le hadith, ça dit, il y a un hadith comme ça qui dit al-badada min al-iman. Al-badada, c'est-à-dire le fait de laisser un peu sa barbe sans la peigner. Parce que l'homme, il doit pas être comme une femme, toujours en train de se peigner, toujours en train de faire attention trop à son apparence et des choses de ce genre. Ça, c'est des caractéristiques plus féminines, tandis que les hommes, eux, doivent avoir un peu plus de virilité, de dureté, hein. Et donc le fait de toujours se peigner, puis de toujours garder son apparence, il faut pas exagérer, il faut être dans l'équilibre, parce que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal, Allah est beau et il aime la beauté, et il a enseigné aux sahabes de peigner leurs cheveux, de peigner leur barbe. Ça, c'est bien, mais il faut pas que ce soit non plus d'une manière régulière, constante, que tu le fais tout le temps. Il faut que ce soit et équilibré entre les deux. Après, le cheikh dit wa qawluhu walbisu al-khifaf wal-khuf huwa ma yulbasu 'ala ar-rijl yasturuha wa yasturuha min al-ka'bayn fa asfal wa yakunu min al-jild fi al-asl wa qad yakunu min ghayrihi bi khilaf an-na'l fa innahu la yastur kull ar-rijl wa innama يقيها من الأسفل ويكون له سيور تثبته من الأعلى. Donc le cheikh explique que al-khuf, parce que Omar ibn al-Khattab, il dit dans cette parole, est porté al-khifaf. Al-khifaf, c'est le pluriel de al-khuf. Et al-khuf, c'est qu'est-ce qui est porté sur les pieds et qui couvre à partir des chevilles jusqu'en bas. Hein, le pied, et à la base c'est en cuir, mais ça peut être dans une autre matière que le cuir, contrairement aux sandales, les sandales elles ne couvrent pas tout le pied, elles ne couvrent que la semelle, hein, que le dessous du pied, tandis que par-dessus elle est retenue par des ganses et des cordes et des choses comme ça pour les attacher. Donc le cheikh il dit ensuite wa qawluhu was-sarawilat jam'u sarawil wa huwa ma'ruf fa libsu as-sarawil ahsan min libs al-izar li'anna fi libsihi ihtiyatan li-sitr al-awra يعني السراويلات السروال السراويلات c'est le pluriel de سروال et c'est quelque chose qui est connu. Le cheikh dit c'est connu, c'est comme les pantalons hein, mais plus large que les pantalons que portent يعني les kuffars. Et il dit que les serwal c'est mieux que le izar. Le serwal c'est mieux que le izar. Pourquoi? Parce que le izar il est ouvert par en dessous, il n'est pas fermé. Tandis que le serwal il est fermé par en dessous. Donc le cheikh il dit ça couvre mieux les parties, ça couvre mieux le corps et la nudité. Tandis que le izar, yani c'est moins, disons c'est moins, ça couvre moins que le serwal. Après le cheikh il dit wa qawluhu والقرّكب ونزو نزوان أي لا يمشي المسلم مشية متميعة ولا يجلس جلسة متميعة وإنما يستعمل القوة في جلوسه وفي مشيه فيجلس على الأرض وعلى ركبتيه لأن ذلك أحسن من الجلوس على الكراسي. Donc il a dit yani, que le musulman, quand il marche, il ne doit pas marcher yani, d'une manière faible. Et il ne doit pas non plus s'asseoir d'une manière faible. Il doit utiliser la force et montrer la force quand il s'assoit et quand il marche. Et quand il s'assoit sur la terre, sur ses genoux. Il dit que c'est mieux que de s'asseoir sur des chaises. Donc les musulmans, c'est habituellement, les musulmans s'assoyaient toujours sur le sol. Ils n'avaient pas des chaises. Ça ne faisait pas partie de la coutume des musulmans d'utiliser des chaises. Il dit « Wa alaykum bil ma'diyya » et il dit « Ay iqtadu bi ma'd ibn Adnan alladhi huwa jaddu al-arab al-ariba » يعني اقتدوا بالعرب ولا تقتدوا بالعجم لأن جنس العرب أفضل من جنس العجم كما سبق. Donc il dit de prendre l'exemple de Ma'd ibn Adnan, c'est-à-dire de suivre les exemples et les traditions des Arabes. Donc il incite les musulmans de suivre l'exemple des Arabes et de ne pas imiter les kuffars non-arabes. Il dit ensuite wa qawluhu warmu al-aghrad yani al-ahdaf ay ta'allamu ar-rami fa min al-umur al-mustahabba تعلم السباحة وركوب الخيل والفروسية والرماية. قال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا فتعلموا الرماية فتعلم الرماية مستحب لأنه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. Donc le cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab, il dit également, apprenez à tirer des cibles. Hein? C'est-à-dire, apprenez le tir à l'arc. Il dit, parce que ça fait partie des choses qui sont recommandées, d'apprendre à nager, d'apprendre à monter les chevaux, d'apprendre également à tirer à l'arc. Hein? Ou bien à tirer de façon générale. Et il mentionne que c'est rapporté dans Al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tirez au fils d'Ismaïl, car votre père était un tireur. » C'est-à-dire, il faisait partie des gens qui maîtrisaient le tir à l'arc. Et donc, d'apprendre à tirer aux arcs, ou de tirer à l'arc, c'est quelque chose qui est recommandé, et que ça fait partie même de l'entraînement pour le combat dans le sentier d'Allah. Il dit ensuite wa qawluhu dharu at-tana'um wa zayy al-'ajam hadhihi kalimatun 'amma mafaduha aw mafaduha an la ya'laf al-muslim hayat at-tana'um da'iman bihaythu yariqqu jismuhu wa tad'ufu quwwahu la ya'udu qadiran 'ala al-harakati bi sababi ar-rafahiyyah li'anna ar-rafahiyyah az-za'idah tajurru ila al-khumuli wal-kasal. Donc il dit ici, délaisser la vie de confort et les habits des kuffars, des mushrikines, c'est-à-dire c'est une parole générale qui veut dire que le musulman, il devrait délaisser la vie trop luxueuse est trop confortable. Il dit parce que si tu vis toujours dans le confort, ton corps devient sensible, devient faible. Et tu perds ta force. Et tu, à la fin, tu n'es plus capable de bouger, hein, à cause de ce luxe et à cause de cette aisance excessive. Et ça mène à une chose qui est, yani, la paresse et yani, le délaissement. Yani, hein. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas conseillées pour le musulman. De vivre dans trop de confort, ce n'est pas bon. Et tu vois que parfois, les hommes même qui vivent trop dans le confort, ils deviennent efféminés. Hein, ils deviennent efféminés, ils se laissent trop aller dans le luxe, ils regardent trop leur apparence. Et les femmes qui sont comme ça aussi bien, elles deviennent aussi superficielles. Elles s'attachent trop à la dunya et des choses de ce genre. Il dit « Wa qawluhu wa iyyakum wal harir » wa hadha tahdhirun lirrijal min libs al harir wa qad sabaqa al hadith an hurmatihi ala al rijal min hadhihi al ummah. Donc il dit aussi et prenez garde de porter de la soie, et ça c'est un avertissement pour les hommes de la umma de porter des vêtements de soie. Et on a déjà mentionné le hadith de l'interdiction de la soie pour les hommes de cette umma, hein, parce que c'est un vêtement qui est très fin, hein, et ça amène, comme on a dit, yani les gens qui portent la soie, yani ils sont un peu efféminés. Allah musta'an. Dit wa qawluhu fa inna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qad naha anhu wa qala la talbisu min al harir illa ma kana hakadha wa ashara rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam bi asbi'ayhi. والمقصود من لبس الحرير سواء الخالص أو الممزوج الظاهر لا يجوز للرجال إلا في الأحوال المستثناة كما سبق بيانه كأن يلبس لشدة الحكة والحساسية أو يلبسه في حالة القتال إظهارا للقوة أو يلبس منه ما كان قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع بأن يتحرز به الثوب وهذا مرخص فيه. Donc il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la soie pour les hommes. Il a dit ne portez pas la soie excepté si c'est ainsi, et il a montré deux doigts. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le cheikh dit que ça dit, tu ne dois pas porter de la soie, soit que ce soit de la soie pure ou de la soie qui est un mélange avec d'autres matériels, mais qui est apparent, c'est-à-dire qu'on voit que c'est de la soie. Ça, ce n'est pas permis de le porter pour les hommes, excepté dans des cas d'exception qui sont mentionnés. On les a mentionnés déjà, l'exemple de la personne qui a des maladies de peau. Elle peut porter de la soie si elle a par exemple des maladies de peau ou des allergies ou des choses comme ça, et que la soie c'est quelque chose qui va lui faire du bien de porter ça, ça va l'aider pour les problèmes de peau qu'il a. Dans ce cas-là, c'est correct. Ou bien il dit de le porter dans les moments de combat pour montrer la force, ou bien de les porter, mais pour une, c'est-à-dire des bandes de soie sur un vêtement pour les vêtements. Il y a une certaine, comme on a dit, le professeur Rasmi l'a dit, un nombre de doigts, c'est-à-dire la largeur des bandes de largeur, de telle largeur de deux doigts ou des quatre, il a dit trois doigts ou quatre doigts, que dans ces cas-là, c'est pour faire des patchs. Tu sais, quand il y a des trous dans les vêtements, puis tu veux tu veux boucher ces trous-là avec des morceaux de tissu. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour accommoder les vêtements, là. Ça, c'est permis. Et il dit, wa qawluhu ya Utba ibn Farqad, iyakum at-tana'um. Wa hadha al-hadith al-kalladhi sabaq, haythu إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى واليه في المشرق ينهاه عن التنعم وعن زي العاجم وعن لبوس الحرير إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الطراز في الثوب وفي الكم في الكم أو الجيب أو على الفراء أو على البشوت فإنه مباح وإذا كان بقدر أصبعين وفي الروايات ثلاث أصابع أو أربع أصابع. نعم. donc il mentionne encore la même chose que Omar avait dit à un de ses gouverneurs, des gouverneurs qu'il avait placés dans les régions de l'Orient, de faire attention à trop de confort, hein, à trop d'aisance, et de ne pas porter les vêtements des mouchriquines et des kuffars, et de ne pas porter de la soie. Puis il a mentionné les exemples de qu'est-ce qui était des exceptions, hein, sur les manches, de mettre des patchs sur les manches ou sur les poches ou le col, ou les exceptions qui ont été mentionnées, yani, par rapport à ça, de la distance ou de la longueur ou de la largeur de deux doigts, ou dans certaines narrations trois ou quatre doigts. Donc ça, c'est permis dans des cas comme ça, c'est des exceptions. Il dit wa qawluhu wa anna Umar amara bil ma'diyya ay أن عمر أمرهم بأن يلبسوا مثل ما كان يلبس أجدادهم العرب ولا شك أن ما عليه العرب أفضل مما كان عليه العجم. donc il dit que Omar ibn al-Khattab a ordonné donc de porter les vêtements al-ma'diyya, c'est-à-dire les vêtements des Arabes, et de ne pas porter le vêtement des autres peuples. إلى دي وروى الإمام أحمد في المسند حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر جاء بالجابية أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس وقال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي فقال إن أخذت عني فصليت خلف الصخرة إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. نعم. donc ça on va laisser pour la semaine prochaine inshallah l'explication. Je vais m'arrêter là et puis on va faire le dars de Sira maintenant. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.